plus, et que c'est Emile Ox, c'est du mal, c'est le docteur, chirurgien des mots. Yo yo. Sprouflay, la deuxième vision, légion, y'a une question. Suspense, révision, obsèque, les gens prêtent, suspect, décision obscène, raison d'être seul. Trop de scènes d'oxygène atroce, veine, trop de chaînes enveloppe l'air. Je prosterne vers un star, doucement en coche rare, zéro fort, tout le monde part en costard. Noir arrosoir, dream infecté, encore moi détecté, les mecs pectés, sélectés, l'enquête chartée, les mecs pactés, par l'ex marqué, tracté, je vais les larguer, les mic capté dans l'espace, les largués, ce qui me reste navré, mais j'ai slarvi. Mon esclave dit large, rime, reflète ta vie, message crime. Mon état se dilate, puis l'âme de sang. Gradué sur la suite, rap fantastique, hélas, type, moi je viens de l'Afrique, l'air plein d'autres qu'on a vite. On invite aux statistiques, les mains vides. Statique, dynamite, élargie, le marché de l'art énigmatique. Le rap a misé sur moi, c'est qui tirait sur toi, vise les titres. J'écris final exit, prestige égal intrigue. J'ai mis total infil, le crime, le rap m'estime, fait-il que l'état reste. Le rap a misé sur moi, c'est qui tirait sur toi, vise les titres. J'écris final exit, prestige égal intrigue. J'ai mis total infil, le crime, le rap m'estime, fait-il que l'état reste. Ma prose de fée, y'a pas de rose. Je culbute celui qui me trompe et qui le bute. Nos rives explosives, corrosives, nos rives dans l'offensive. Le calibre aussi sacré qu'un galibre. Jamais Yves, mais agent. Dans ma pro, sur l'engin pour l'argent. Dans le bis, je restera malgré nos vices. Typique débutant nos vies sur le terrain des bilans. Critiquant nos vies maléfiques, comprises illicites, en prolifique. Conflit entre jeunes et flics. Le crime pété, inculpé, buté ou amputé. Je crains pas la street, mais l'arthrose ou l'arthrite. Osons à la retraite. 16 bises, un fléau de 16 piges. Dans le préau, la thèse pour estime. Escrime notre bitume complet. Un stup, homicide, lucide, ma clique lunatique. Sans lanterne, ma zig, lucratif à long terme. L'espoir, l'orifice de la vie, mon objectif, le lucre, le succès, le luxe. Sans déboire, des fins tristes dans le ghetto. Les fins en crise, déteint sur mes écrits, très tôt, brolique pour vivre.